Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 138. Des vices opposés à la persévérance. La mollesse. L'opiniâtreté. 1. La mollesse est-elle opposée à la persévérance? Le philosophe oppose avec raison l'homme mou à l'homme persévérant. Céder à des forces supérieures, à la crainte d'un danger imminent, à l'attrait d'un vif plaisir, après avoir essayé de résister, ce n'est pas précisément de la mollesse. Par analogie avec les choses molles qui ne résistent point au toucher, on appelle mou l'homme qui cède facilement, et surtout celui qui abandonne le bien, non parce qu'il est vaincu par des joies ou des peines supérieures à ses forces, mais uniquement à cause de la tristesse que lui ferait éprouver une privation de plaisir, motif le plus faible de tous. La mollesse, on le voit, est directement opposée à la persévérance, dont le mérite consiste à ne pas se détourner du bien, malgré la longueur des difficultés. Note. La mollesse provient, parfois, des habitudes voluptueuses, dont il est difficile de se priver après un certain temps, parfois, d'une certaine faiblesse de tempérament, qui assimile les hommes à des femmes. En général, l'amour des délices est une sorte de mollesse. Les gens qui les aiment ne peuvent supporter l'idée de la peine ni rien de ce qui diminue le plaisir. On voit chez eux une excessive recherche des délassements et du repos. Fin de la note. 2. L'opiniâtreté est-elle opposée à la persévérance? L'opiniâtreté, disait Cicéron, est opposée à la persévérance comme la superstition l'est à la religion. Elle tient, en effet, imprudemment et sans borne, à son opinion propre, aussi reçoit-elle parfois le nom d'entêtement. La mollesse, au contraire, ne persiste pas dans son sentiment autant qu'il le faudrait, par conséquent, l'opiniâtreté, qui dépasse les bornes de la raison, et la mollesse, qui reste en deçà, sont deux vices également opposés à la persévérance, laquelle se tient dans un milieu raisonnable. Note. L'opiniâtreté est causée par la vaine gloire. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.